Le banquet consacré au 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il a eu lieu le 16 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée et président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le Premier ministre Park Bong-ju, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée et vice-président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et autres cadres responsables du Parti et de l'État, un président de Parti amis, les cadres des organismes des forces armées et du pouvoir, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, les officiels des établissements de Pyongyang et les méritants. Y ont été invités les corps de félicitations des Coréens d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste, notamment des Coréens au Japon, les délégations, le représentant à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, les couples des représentants diplomatiques, des institutions internationales et des attachés militaires en Corée, ainsi que d'autres hôtes étrangers.